Ok, écoute la famille. Bagne School, gros. C-O-M-I-T. H-N Funès. Tu vas pas endormir. Tu vas faire des cauchemars. DJ Manic. Pull up moi ça. J'ai Kruger dans mon flow, bizarre. J'ai Kruger dans mon flow, bizarre. T'arrives, j'ai les crocs, tu cries. J'ai les griffes de la nuit. Tu te pisses dessus, petite groupie. Tu kiffes Achille depuis que j'ai mis le masque, ok. Hacker les nouveaux sons du comité. Allez-y, y'a du blood, c'est de la boucherie dans le hood. J'aime le 6, c'est mon chiffre. Je te grève quelques titres, je te pète quelques côtes. Un cauchemar à la prod. Aucun remords, c'est mon taf, les homicides dans ma zone, district 92. Massacre à la tronçonneuse, demande à Jack comment ne pas se faire péter. Comment ne pas être un pédé. Je rappe pour la racaille, quelques raclures et pour les cracks de la musique pure et dure. Stigmate à la prod, stigmate dans la corde. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. À Funès pour la hagla du vendredi. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. À Funès pour la hagla du vendredi. Vous êtes où sont les kickers? Du 9-2 c'est du rap killer. J'ai bicrave moi-même, est-ce que tu peux m'appeler le dealer? Donc dealer que j'avertis pas quand je frappe. Un cauchemar et je sors de nulle part comme dans le clip de Thriller. Je t'envoie une bastos, lyricalement crassos. Y'a du sang comme dans Blood si les notes sont fausses. Trop d'éther, vénère, j'ai le sourire du Joker. MC perturbateur, joue ma gueule comme poster. J'arrive dans le rap comme le tsunami. Fuck le rap game, j'rappe pour moi, pas pour Konami. T'as le seum, monte le son et c'est le spell. J'viens clouer ton bec comme le tueur à puzzle. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. H-Funès pour la hagla du vendredi. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. H-Funès pour la hagla du vendredi. J'arrive gore comme Evil Day. Mets les MC à l'amende, t'es wanted. Écoute le son qui laisse des traces de nature horrifique. C'est pour ma clique, grosse mécanique. Faut pas que tu flippes. Dis mon blaze, 5 fois devant le miroir. Et j'apparaîtrai gros connard à la Candyman. Gicle les mythomanes, j'ai les chroman. Trouve les faux en mode Sharingan. C'est qui suce ton sang jusqu'à que tu perdes tes cordes vocales. Vas-y braque ta focale sur Braco et sur l'enfer qui déchire la terre. Mayday, mayday, le hip-hop scratch. Derrière la colline qui guette, tu marches ou crèves. Y'a pas de trêve, y'a pas de rêve. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. H-Funès pour la hagla du vendredi. Tu en demandes et tu pisses dans ton froc. La prod est crade, braco et bad. On est ton pire cauchemar depuis les griffes de la nuit. H-Funès pour la hagla du vendredi. Yeah, 1, MC Braco, Michael Myers, 1, H-Funès. Frère Winchester, fils, 1, Freddy Krueger, 1, Jason, Gigi, comité de prière, COMIT.